السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، وشفقنا الله عز وجل. On est au cours 18 du résumé de l'explication du livre de l'unicité par Charles Fawzan, حفظه الله تعالى. Et on est arrivé, pour les frères qui ont la même édition que moi, qui est l'édition de Dar al-Asima, c'est page 134. باب قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Donc l'auteur, qui est Cheikh l'Islam, Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullahu ta'ala, il dit, chapitre, et sa parole dont la traduction du sens est, quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront, qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront, la vérité, c'est lui le Très-Haut, le Grand. C'est le verset 23 de Sourate Saba. Là-dessus, on a l'explication du grand savant Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, qui dit, مناسبة الباب لكتاب التوحيد. Comme on l'a déjà dit depuis le début du cours, depuis le début du livre, c'est que Cheikh Fawzan, son bon enseignement, hafidhahullah ta'ala, c'est qu'il te fait comprendre quelle est la place de ce chapitre dans le livre. D'accord? Et il te dit مناسبة الباب لكتاب التوحيد, qu'on pourrait traduire par le rapport entre ce chapitre et le livre de la cité, dont le chapitre est une part, une partie. Ou aussi on pourrait dire autrement, on pourrait dire quel est le caractère opportun de ce chapitre par rapport à Kitab al-Tawhid. Et il dit أَنَّ فِيهِ بَيَانَ حَالِ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ هُمْ أَقْوَى وَأَعْظَمُ مَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِذَا كَانَ حَالُهُمْ عَلَى اللَّهِ مَا ذُكِرَ مِنْ هَيْبَتِهِمْ مِنْهُ وَخَشْيَتِهِمْ لَهُ فَكَيْفَ يُدْعَوْنَ مَعَ اللَّهِ فَغَيْرُهُمْ مِنْ بَابِ أَوْلَى فَفِي ذَلِكَ رَدٌّ عَلَى جَمِيعِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ مَنْ لَا يُدَانِي الْمَلَائِكَةَ. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique ce point-là en disant le rapport entre le chapitre et le livre de l'unicité est qu'il y a dans ce chapitre la mise en évidence de la situation des anges, qui sont les plus forts et les plus importants parmi ceux qui sont adorés en dehors d'Allah. Et donc, si leur situation avec Allah est ce qui a été mentionné dans le verset de Surat Saba, et on va voir ça plus en détail, Inch'Allah, quant à leur peur envers lui et leur crainte de lui, alors comment peuvent-ils être adorés avec Allah? Et cela est encore plus vrai pour autres que les anges. Et il y a en cela une réfutation de tous les polythéistes, de tous les associateurs qui invoquent avec Allah ceux qui n'arrivent même pas au niveau des anges. Puis, à son habitude, Cheikh Al-Fawzan, il explique terme par terme. Donc il dit, « Fuzzi'an qulubihim », c'est les mots qu'on utilise ici, qui ont été dit par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, أزيل الفزع عن قلوب الملائكة من الغشية التي تصيبهم عند سماع كلام الله بالوحي إلى جبريل. فزع عن قلوبهم. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la frayeur sera éloignée de leur cœur. Alors il se peut que des frères qui ont déjà un peu lu dans le tafsir, etc., ils vont dire, mais est-ce que c'est pas le pronom personnel ici? قلوبهم, est-ce qu'il ne revient pas aux mushrikines? Certains savants ont dit ça, c'est un des tafsirs qui existe, et c'est ce que Cheikh Sa'di, rahimahullah, il dit que c'est l'avis le plus fort. Mais il cite aussi l'avis que c'est par rapport aux malaïka. Donc si vous voulez avoir un peu, de manière très résumée, très simple à comprendre, Tafsir Sa'di rahimahullah, sur le Saba, il rapporte ce qawl-là, et il rapporte aussi le même qawl que Cheikh Al-Fawzan. Il dit pourquoi, il voit que c'est plus rajih. Il cite notamment la règle dans la langue arabe que Ad-Damir, en général, le pronom personnel, il revient à ce qui est le plus proche, et que c'est ce qui va dans le contexte, etc. etc. D'accord ? Donc revenez à ça si vous voulez, par intérêt yani, par rapport à l'ilm. Et c'est ce que je conseille toujours, d'aller voir les sources qu'on cite, etc. Et de ne pas se limiter à ce qu'on dit dans le cours ici. Donc, le cheikh, il dit ici, la frayeur sera éloignée de leur cœur. C'est-à-dire, la frayeur est éloignée des cœurs des anges, qui vient de la stupeur qui les touche lorsqu'ils entendent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la révélation à l'ange Gabriel, à l'ange Jibril alayhi salam. Deuxième mot ici qui est cité par Cheikh Al-Fawzan, c'est qalu ay qala ba'dhum li ba'dhin istibshara madha qala rabbukum qalu, ils diront, c'est-à-dire qu'ils diront les uns aux autres se réjouissant istibsharan, qu'a dit votre Seigneur? Qalu al-haq. Et قال الله الحق قالوا الحق, ils répondront la vérité, c'est-à-dire Allah a dit la vérité. Aussi une discussion de Cheikh Saadi rahimahullah très intéressante. Pourquoi ils ont dit il a dit la vérité, hein? Parce que leur connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils savent qu'Allah dit toujours la vérité. Et d'autres choses que rapporte Cheikh Saadi rahimahullah, c'est intéressant de lire si vous voulez. وهو العلي الذي له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. Ces trois types ici sont très importants, surtout pour un salafi par rapport au secte qui innove dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui innove dans la science des noms attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, quand on a dit وهو العلي, et c'est lui le très haut, ici on a ce qu'on appelle علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. C'est-à-dire celui subhanahu wa ta'ala qui a l'élévation dans la magnificence et la majesté, l'élévation dans la toute-puissance. Que le premier c'est le qadr, le deuxième c'est le qahr, dans la toute-puissance, et l'élévation dans l'essence, al-dhat. Ce sont des traductions approchées, ça ne reproduit pas vraiment hein, les mots en arabe, mais c'est, la traduction c'est toujours comme ça de toute façon. Al-Kabir, ay alladhi la akbar wal a'zam minhu tabaraka wa ta'ala. Al-Kabir, le très grand, personne n'est plus grand ni plus important que lui, exalté soit-il, subhanah. Maintenant, comme à son habitude, Cheikh Al-Fawzan, il rapporte le sens général du verset. Al-ma'na al-ijmali lil-ayah. يخبر الله سبحانه عن الملائكة أنها إذا سمعت الوحي من الله إلى جبريل فزعت عند ذلك تعظيما وهيبة وأرعدت حتى يصيبها مثل الغشي فإذا أزيل الفزع من قلوبهم أخذوا يتساءلون فيقولون ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق وهو العلي العالي الشيخ السلدي فوق كل شيء الذي لا أكبر منه ولا أعظم. Le sens général du verset de Sourate Saba, le verset 23, Allah le Très-Haut informe dans ce verset au sujet des anges qui sont foudroyés de stupeur lorsqu'ils entendent la révélation d'Allah à l'ange Gabriel. Et ce, par exaltation et par crainte, et sont effrayés à tel point qu'ils sont touchés par quelque chose de similaire à l'évanouissement, à la défaillance, si vous voulez. Et donc, lorsque la frayeur est éloignée de leur cœur, ils se mettent à se demander les uns aux autres et à dire « Qu'a dit votre Seigneur ?» Et ils disent alors « La vérité, c'est lui le Très-Haut. » Cheikh Al-Fawzan dit « Au-dessus de toute chose, rien n'est plus grand ni plus important que lui, subhanahu wa ta'ala. » Ma yustafadu min al-ayah, on arrive au bénéfice qu'on tire de ce verset, que Cheikh Al-Fawzan tire, c'est les cinq points qu'il cite ici. أولا أو الفائدة الأولى الرد على جميع فرق المشركين الذين يعبدون مع الله من لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهم. La réfutation de tous les groupes de polythéistes, d'associateurs, qui adorent avec Allah ceux qui n'arrivent même pas au niveau des anges et ne les égalent pas dans l'une de leurs caractéristiques. ثانيا الفائدة الثانية إثبات الكلام لله سبحانه على ما يليق بجلاله. L'affirmation de l'attribut de la parole à Allah et ce de la manière qui sied à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Troisième faïda, الفائدة الثالثة أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق لأنهم يقولون ماذا قال ربكم لم يقولوا ماذا خلق ربكم. La troisième bénéfice qu'on tire ici, c'est la parole d'Allah, le Très-Haut, n'est pas créée. Car ils disent, qu'a dit votre Seigneur? Et ne disent pas, qu'a donc créé votre Seigneur? Ça, c'est un délil. Et ça, c'est important d'apprendre ça à nos enfants, à nos familles, que de leur dire que le Coran ou Kalamullah, mais de ne pas s'arrêter. De dire, le Coran ou Kalamullah, ghayru makhlouq. Leur apprendre ça. Ghayru makhlouq. Quatrième point, le faïdat al-rabi'a, ifbat al-ulou lillah subhanahu fawqa makhlouqatih. L'affirmation de l'élévation, ce qu'on appelle l'ulou, l'élévation d'Allah au-dessus de ses créatures. On avait dit qu'il y avait ulou al-qadri, wa ulou al-qahri, wa ulou al-dhat. Sur le Fawzan dans le Wasitiyya, il dit que beaucoup de mubtadi'a, il n'attribue que les deux premiers, il n'attribue pas ulou al-dhat Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est important. Ulou al-qadr wa ulou al-qahr wa ulou al-dhat. Cinquième point, ithbatu adamatillah, l'affirmation de l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On continue dans le matn, l'auteur qui est Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pour les frères qui n'étaient pas là au premier cours, on a fait une très brève biographie qui est disponible sur le site en PDF en audio. Vous pouvez retourner de Et cet immense savant, Cheikh al-Islam, Muhammad ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. Donc il dit, « وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة. » Il y a deux fathas, comme il va l'expliquer Cheikh al-Fawzan ici. « خضعانا » Donc mettez deux fatha, il va les dire plus tard, il va dire bifathataini min al-khudu'. لقوله كأنهم سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء والحديث أخرجه البخاري. Quelle est la seconde preuve après le verset de Surat Saba, verset 23, que cite Cheikh al-Islam, Muhammad ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala? Il dit, et dans l'authentique, c'est-à-dire l'authentique d'Al-Bukhari, d'après Abu Huraira, qu'elle a l'agré que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsqu'Allah décrète un ordre dans le ciel, les anges frappent de leurs ailes, ou battent de leurs ailes par soumission à sa parole, comme si c'était le son d'une chaîne de métal sur un rocher lisse. Ce son a lieu et se diffuse au sein des anges. Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront, « Qu'a dit votre Seigneur ?» Ils répondront, « La vérité, c'est lui le Très-Haut, le Grand. » Il entend donc un djinn, hein, mustariq al-sam', un djinn qui dérobe les paroles des anges. Et ceux, les djinns qui dérobent les paroles, sont comme ça l'un sur l'autre. Soufiane l'a décrit comme ceci en écartant les doigts de sa main inclinée. Et donc, il le djinn, entend la parole et la transmet à celui qui est en dessous de lui. Puis l'autre l'entend et la transmet à celui qui est en dessous de lui. C'est ce qu'il la transmet au sorcier ou au devin. Et il se peut qu'il, c'est-à-dire le djinn, soit atteint par le météore, al-shihab, avant de la transmettre. Et il se peut aussi qu'il la transmette avant qu'il ne soit touché par le météore. Et le sorcier ou le devin ment aux côtés de cette information sans mensonge. Il est alors dit, ne nous a-t-il pas informé de telle et telle chose, tel et tel jour? Et il, le sorcier ou le devin, est alors cru en raison de cette parole qui fut entendue au ciel. rapporté par le Bukhari, numéro 4701. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il explique ce passage en disant Soufiane, ce qu'il a dit, wassafahu Soufiane. C'est qui Soufiane? Soufiane, c'est Ibn Uyayna, Ibn Maymoun, Al-Hilali, Thiqah, Hafiz, Hujjatun, Min Kibar Al-A'immah, Mata, Sana, Thamania, Watis'in, Ba'd Al-Mi'a, Hijriya. Soufiane, c'est qui? C'est Ibn Uyayna, Ibn Maymoun, Al-Hilali, digne de confiance, Thiqah, Hafiz. Hafid, c'est un terme dans le hadith, une terminologie dans le hadith, Hujja aussi, parmi les grands imams décédés en l'an 198 de l'Hégire. D'ailleurs, c'était un des jours de qui, Soufiane ibn Uyayna? Non? Un grand imam. Non? وفي الصحيح أي في صحيح البخاري إذا الأوتنتيك c'est-à-dire dans l'authentique d'Al-Bukhari إذا قضى الله الأمر أي إذا تكلم به إذا قضى الله الأمر lorsqu'Allah décrète l'ordre c'est-à-dire lorsqu'Allah dit l'ordre خضعانا بفتحتين من الخضوع وروي بضم أوله والسكون ثانيه أي خاضعين c'est-à-dire خضعانا. Premier, on a dit khada'anan. Le deuxième, c'est khuda'anan. Khada'anan, c'est-à-dire par soumission, avec deux fathas, qui viennent de khudu'. Il a aussi été rapporté avec un dhammah sur la première lettre et un sukun sur la deuxième, c'est-à-dire khadi'in, soumis. Les qawli, à sa parole, c'est-à-dire à la parole d'Allah. Ka'annahu ay as-sawt al-masmou'. Comme s'il était, c'est-à-dire le son entendu. Safwan. Safwan, c'est la pierre, le rocher lisse. هو الحجر الأملس. ينفذهم ذلك. أي يخلص هذا القول ويمضي في الملائكة. ينفذهم ذلك, c'est-à-dire que cette parole a lieu puis se diffuse parmi les anges. مسترق السمع. D'abord on a dit فَيَسْمَعُهَا أَيْ الْكَلِمَةَ الَّتِي قَضَاهَا اللَّهِ يَنْفُدْهُمْ ذَلِكْ on a déjà dit فَيَسْمَعُهَا puis l'entendre c'est-à-dire la parole qu'Allah a décrétée مُسْتَرِقُ السَّمْعَ الْمُخْتَطِفُ لِكَلَامِ الْمَلَائِكَةِ مِنَ الشَّيَاطِينَ c'est celui qui dérobe la parole celui parmi les démons qui dérobe la parole des anges. وصفه أي وصف ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض حتى يصل إلى حيث يسمعون تحدث الملائكة بالأمر يقضيه الله. وصفه إلا décrit, c'est-à-dire qu'il l'a décrit comment les démons sont jonchés les uns sur les autres jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'endroit d'où ils entendent les anges se parler au sujet de l'ordre qu'Allah décrète. فحرفها أي أمالها فحرفها أمالها, c'est-à-dire qu'il l'inclina en parlant de sa main. وبدد بين أصابعه, c'est-à-dire qu'il les a écartés ses doigts. وبدد بين أصابعه, أي فرق بينها. يعني ses doigts de sa main. الساحر, pour décrire comment les démons ils sont jonchés les uns sur les autres. Il a fait un geste de la main. الساحر الذي تعاطى السحر وهو عبارة عن مخافية ولطف سببه من عمل العقد والرقى وغيرها. As-sahir, c'est le sorcier, le magicien, celui qui s'adonne à la sorcellerie. Et c'est une manière d'exprimer ce dont la cause est cachée, parmi les neuf faits et les conjurations, etc. Les formules de conjuration, etc. Al-kahin, هو الذي يخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار. Al-kahin, le devin, celui qui informe au sujet des choses qui vont exister dans le futur et qui prétend connaître les secrets. أدركه الشهاب أي أدرك المسترق الشهاب وهو الذي يرمى به قبل إلقائها فيحرقه. Adrak al-Shihab, il est rattrapé par le météore. C'est-à-dire que le démon qui dérobe la parole est touché par le météore qui est jeté, lancé, et le brûle avant que la parole ne soit transmise. Qui connaît un verset où il y a le mot Shihab? Hein? Non? Sourate Safat. Vas-y. Afba'ahum shihabun thaqib. Tu as cité tout le verset? Non, à la fin. Illa man khatifa al-khatafa. Afba'ahum shihabun thaqib. Tu vois le verbe ici? Al-khatfata. Fatba'ahu shihabun thaqib. Et c'est juste, c'est de sourate Safat. Donc, ici, on a dit, c'est-à-dire que le démon qui dérobe la parole est touché par le météore qui est jeté, lancé et le brûle avant que la parole ne soit transmise. Fayakdibu, ay as-sahir aw al-kahin. Et donc, il ment, c'est-à-dire le sorcier ou le devin. Ma'aha, ay al-kalimata allati alqaha. Ma'aha, avec elle, c'est-à-dire la parole qu'il a transmise. C'est-à-dire qu'il y a une parole de vérité, mais il y a 100 mensonges qui sont dits avec. D'accord? Et donc le sorcier ou le devin, il est cru en raison de cette parole vraie, alors qu'il dit 100 mensonges avec. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith. Yukhbiru al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an ta'zim al-mala'ikati li-kalam Allah wa ma ya'tarihim min al-khawfi wa tasa'ulihim amma qala rabbuhum wa ijabatu ba'dihim li-ba'd. وما تعمله الشياطين الذين يتخطفون أو يختطفون كلام الملائكة في ذلك لتلقيه إلى السحرة والكهان من الناس وما تلاقيه الشياطين من الرمي بالشهب حينئذ وأنه قد يتمكن الشيطان من إيصال الكلمة المسموعة من الملائكة إلى الساحر أو الكاهن لحكمة يعلمه الله وإلا فهو سبحانه لا يفوته شيء فيزاد مع تلك الكلمة من قبل الشياطين أو الآدمي 99 كذبة وتذاع كلها في الناس فيصدقونها كلها بسبب تلك الكلمة المسموعة. Le sens général du hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم informe au sujet de la glorification des anges envers la parole d'Allah et au sujet de ce qui les touche en termes de peur et au sujet de leur questionnement au sujet de ce que leur Seigneur a dit et au sujet de la réponse qu'ils se donnent les uns aux autres, et au sujet de ce que font les démons qui dérobent la parole des anges, afin qu'ils la transmettent aux sorciers et aux devins parmi les gens, et au sujet des météores qui sont lancés contre les démons à ce moment-là. Et il se peut que le démon arrive à transmettre la parole entendue des anges aux sorciers ou aux devins. Et ce pour une sagesse qu'Allah seul connaît, ou sinon rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, 99 mensonges sont ajoutés par le démon ou le sorcier à cette parole. Et ils sont tous diffusés parmi les gens, qui donc les croient tous en raison de cette vraie parole entendue. مناسبة الحديث للباب أن فيه الرد على المشركين فإنه إذا كان هذا حال الملائكة عند سماع كلام الله مع ما أعطاهم الله من القوة علم أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لهم. Le rapport entre le hadith, pour que vous compreniez pourquoi, Cheikh l'Islam, si vous voulez, c'est Wajl Istidlal, c'est-à-dire le témoin argumentatif pourquoi Cheikh l'Islam Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah, il a utilisé ce hadith comme preuve dans le chapitre, pour ce qu'il avance, et dans le chapitre, dans le livre de l'unicité. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith une réfutation des polythéistes. Car si telle est la situation des anges lorsqu'ils entendent la parole d'Allah, malgré ce qu'Allah leur a donné comme force, alors on sait qu'il est interdit de leur vouer quelque adoration, et cela est encore plus vrai pour ceux qui sont inférieurs aux anges. Ma yustafadu min al-hadith, les bénéfices, ou ce que l'on tire comme bénéfice du hadith, awalan ar-raddu ala al-mushrikin alladhina ya'buduna al-mala'ikata wal-anbiya'a was-salihin. La réfutation des polythéistes qui adore les anges et les prophètes et les vertueux. Donc si maintenant quelqu'un te demande un dalil, tu lui donnes ce dalil et tu lui dis pourquoi ce dalil est utilisé comme réfutation de cela. Tu lui expliques. D'accord? Puisque c'était la situation des anges, malgré ce qu'Allah leur a donné comme force, et qu'on ne peut pas les adorer, qu'est-ce qu'il en a alors des gens qui sont moins que les anges et des choses qui sont moins que les anges? Donc la réfutation des polythéistes et les associateurs qui adorent les anges et les prophètes et les vertueux. Deuxième point, تعظيم الله سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. La glorification d'Allah, exalté soit-il, il est le seul en droit d'être adoré sans rien lui associer. ثالثا, إثبات علو الله على خلقه وإثبات تكلمه بكلام يسمع. L'affirmation de l'élévation d'Allah au-dessus de sa création, subhanah, et l'affirmation du fait qu'il parle d'une parole qui est entendue. رابعا, إبطال السحر والكهانة وإن صدق الكاهن والساحر في بعض الأحيان. La fausseté de la sorcellerie et de la divination, et ce même si le sorcier ou le devin disent à certains moments des paroles vraies. Cinquième point, dernier point pour cette partie du chapitre. أن العبرة بالغالب الكثير لا بالنادر القليل. Donc ici, Cheikh, il dit, c'est une règle qui dit, ce qui prend en considération, c'est ce qui prédomine en général et pas ce qui arrive peu et rarement. Alors pourquoi il a dit ça? Qu'on ne comprend pas mal ce qu'il a dit le Cheikh ici. Le Cheikh, il le préserve, il cite cette règle en référence ici au message, au mensonge, pardon, prédominant et général, en opposition aux paroles vraies mais rares et peu en nombre, dites par le sorcier ou le devin. Dernier hadith cité dans ce chapitre. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا رجفة عفوا أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو خروا سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل والحديث أخرج ابن خزيمة في التوحيد وابن أبي عاصم في السنة والآجري في الشريعة. Des livres très importants, des références dans l'Aqidat al-Sunnah ou al-Jama'a. D'ailleurs, Sharia, il est expliqué par Rabi'a Hafidahullah en 4 volumes. Ibn Khuzayma, Tawhid ibn Khuzayma, il y a un tahqiq de Sheikh Khalil Harras, si je me souviens bien. Le Sheikh de Sheikh Mohamed Amal Jamir. Donc, c'est quoi le hadith? L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, et il cite le hadith. Et d'après Nawas ben Sim'an, avec une kasra en dessous du sin, qu'Allah l'agrée, qu'il a dit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah le Très-Haut veut révéler une chose et qu'il dit cette révélation, les cieux en tremblent. Ou il a dit, s'ébranlent fortement par crainte d'Allah, exalté soit-il. Lorsque les habitants des cieux entendent cela, ils défaillent ou tombent en prosternation. Et le premier d'entre eux à lever la tête est l'ange Gabriel. Puis Allah lui parle en disant la révélation ce qu'il veut. En lui disant de la révélation ce qu'il veut. Ensuite, Gabriel passe auprès des anges, et chaque fois qu'il passe par l'un des cieux, les anges le questionnent. Qu'a donc dit notre Seigneur au Jibril, au Gabriel? Gabriel répond en disant, il dit la vérité, il est le Très-Haut, le Grand. Ils disent alors tous comme a dit Jibril, alayhi salam. Ensuite, Jibril transmet la révélation là où Allah exalté soit-il le lui a ordonné. L'explication de Cheikh Al-Fawzan de ce dernier hadith cité dans ce chapitre, Al-Nawas, c'est qui Al-Nawas? C'est Al-Nawas ibn Sim'an, Bikasri Sin, ibn Khalidin Al-Kulabi, Sahabi Jalil, radiallahu anhu. Al-Nawas, Al-Nawas ibn Sim'an, avec une kasra sous le Sin, ibn Khalid Al-Kulabi, illustre compagnon qu'Allah l'agré. Al-Wahi, ay kalam Allahi al-Munazzal ala Nabiyin min Anbiya'ih. Al-Wahi, c'est la révélation, c'est-à-dire la parole d'Allah descendue à un prophète parmi les prophètes. Akhadat al-Samawat, ay, أصاب السماوات أخذت السماوات c'est-à-dire les cieux sont touchés par رجفة بالرفع فاعل أخذت أي ارتجفت واضطربت رجفة au nominatif car sujet du verbe أخذت c'est-à-dire a tremblé et a été secoué خوفا من الله لأنها تخاف من الله بما جعل فيها من الإحساس والمعرفة بالله خوفا من الله par crainte d'Allah car ils ont peur d'Allah par les sens qui leur ont été donnés et la connaissance d'Allah صعقوا الصعق الغشي الصعق c'est le غشي c'est-à-dire l'évanouissement ou la défaillance خروا du verbe خرا سقط من أعلى والمراد هنا انحطوا بالسجود خروا du verbe خرا c'est de tomber de plus haut et le sens ici c'est qu'ils sont tombés en prosternation أول بفتح خبر يكون بالفتح خبر يكون avec une fatha أولا c'est-à-dire que c'est le خبر دي يكون vous avez اسم يكون خبر يكون ici c'est le خبر c'est pour ça qu'il y a une fatha parce que كان وأخوات وتنسب خبرها وترفع اسمها إلى حيث أمره الله إلى حيث أمره الله من السماء والأرض là où Allah lui a ordonné, dans les cieux et sur la terre. Mais dans le sens général du hadith, et on termine par ça, ensuite le rapport entre le hadith et le chapitre, ensuite, incha'Allah, les bénéfices du hadith, le ma'na ijmali le hadith. يخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم عن عظمة ربي عز وجل بأنه سبحانه إذا تكلم بما شاء من وحيه فإنه يصيب السماوات ارتجاف حركة شديدة من خوف الله عز وجل لمعرفتها بعظمة الله. فإذا سمعت الملائكة كلام الله عز وجل غشي عليهم وانحطوا بالسجود تعظيما لله وخوفا منه ثم يكون جبريل عليه السلام أول من يرفع رأسه منهم لأنه السفير بين الله وبين رسله فيكلمه الله بما شاء من أمره ثم يمر جبريل على ملائكة السماوات فيسألونه عما قال الله فيجيبهم بقوله قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون مثل ما قال ثم يمضي جبريل بالوحي le sens général du hadith est le suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe de l'immensité, de la grandeur de son Seigneur qui lorsqu'il dit ce qu'il veut de sa révélation, les cieux sont touchés par un tremblement et un mouvement fort par crainte d'Allah le Très-Haut. Et ce en raison de leur connaissance de l'immensité et de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque les anges entendent la parole d'Allah, ils défaillent et tombent en prosternation par glorification d'Allah et par crainte envers lui, subhanah. Et puis c'est Gabriel, Jibril, qui lève le premier la tête parmi les anges, car il est l'envoyé entre Allah et ses messagers. Et donc Allah lui parle avec ce qu'il veut de son ordre. Puis Gabriel passe auprès des anges des cieux qui lui demandent ce qu'a dit Allah. Et il leur répond en leur disant, il dit la vérité et il est le Très-Haut, le Grand. Et ils disent alors de même que lui. Puis Jibril continue avec la révélation et la transmet à qui Allah lui a ordonné de transmettre. Munasabat al-hadith lil-bab, le caractère opportun ou le rapport entre le hadith et le chapitre. Anna fihi ma fi an-nusus qablahu min bayan 'azamati Allah wa khawf al-mala'ikati was-samawat minha. Fa fihi ar-radd 'ala man 'abada ghayra Allah. Le rapport entre le hadith de Nawas ibn Sim'an et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith ce qu'il y a dans les textes qui l'ont précédé en termes de mise en évidence de l'immensité et de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de crainte des anges et des cieux envers lui subhanahu. Il y a donc dans ce hadith la réfutation de ceux qui adorent autre qu'Allah subhanahu. Ma yustafadu min al-hadith, ce que l'on tire comme bénéfice du hadith, il y en a cinq. Awalan ar-raddu 'ala al-mushrikin alladhina ittakhadhu ma'a Allah alihatan min makhluqatihi. La réfutation des polythéistes qui prennent des divinités avec Allah parmi ses créatures. الفائدة الأولى بيان عظمة الله جل وعلا واستحقاقه للعبادة وحده. La mise en évidence de l'immensité d'Allah et qu'il est le seul endroit d'être adoré سبحانه. ثالثا إثبات أن الله يتكلم متى شاء بما يشاء كيف يشاء. L'affirmation qu'Allah parle quand il le veut, dit ce qu'il veut, comme il le veut. رابعا إثبات علو الله على خلقه. Quatrièmement, l'affirmation de l'élévation d'Allah au-dessus de sa création. Cinquièmement, dernièrement, فضل جبريل عليه السلام, la présence de Jibril que la salutation d'Allah soit sur lui. Et avec ça, on a fini le cours pour aujourd'hui. Wa jazakum Allahu khairan, wallahu a'lam, wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.